on a une programmation qui est composée à peu près d'une soixantaine de concerts par an, tout public, alors des concerts de tout style, il y a du rock, de la pop, de l'électro, de la chanson française, du métal, du punk trash hardcore, du reggae. Il y a à peu près, normalement tout le monde peut y trouver quelque chose dans ses goûts. Nous, notre but, c'est aussi de créer la curiosité, de faire en sorte que les gens développent une confiance avec nous et puis peut-être viennent d'abord voir un concert qui correspond à ce qu'ils écoutent à la maison et puis que par la suite, ils viennent voir des trucs qui sont un peu hors de ce qu'ils connaissent pour qu'ils puissent découvrir d'autres styles, d'autres artistes, des esthétiques qu'on dit un peu de niche, c'est-à-dire des styles de musique un petit peu moins médiatisés. On a une programmation aussi pour le public familial, donc comme aujourd'hui, des ciné-concerts, des spectacles musicaux pour enfants, des goûters-concerts, ça c'est un concept dont on est très fiers, c'est des concerts qui ont lieu en après-midi. Et l'idée c'est que l'artiste, on lui propose de venir faire un concert en soirée pour le grand public, et en après-midi de faire un concert adapté vers 16 ou 17 heures, qui dure un petit peu moins longtemps et qui permet aux familles de venir profiter en après-midi d'un concert. Et ça se termine par un goûter. On offre un cookie à tout le monde. Et c'est super chouette, c'est une très bonne ambiance. Et puis, on a aussi tout ce qui est un petit peu moins connu généralement, mais qu'on essaye de valoriser de plus en plus, qui correspond à tout ce qu'on fait en dehors des concerts. Souvent, les concerts, c'est la partie visible de l'iceberg. Les gens connaissent ça le mieux. Mais on a aussi tout un pan de notre activité qui est autour d'ateliers, de découvertes, de pratiques musicales, d'initiation à tout un tas de pratiques artistiques qui ont trait à la musique de plus ou moins loin. L'idée, c'est de toujours se dire que la musique, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé aux gens qui pratiquent la musique dans les écoles de musique ou qui ont déjà une connaissance de la musique ou du solfège, mais que ça peut être accessible à tout le monde et qu'on peut avoir plein d'entrées différentes pour accéder à la pratique artistique et à la pratique musicale. Donc on va parfois faire des ateliers de danse, des ateliers de création graphique de pochettes d'albums, des ateliers pour apprendre à fabriquer sa propre pédale d'effet de guitare, des ateliers pour apprendre à régler sa batterie, ce genre de choses. Et tout ça rentre aussi dans ce qu'on appelle l'accompagnement des pratiques musicales, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour aussi des studios. On a des studios de répétition qu'on va aller voir juste après et qui sont mis à disposition des musiciens et des musiciennes du territoire pour des tarifs très attractifs qui vont de 3 à 6 euros de l'heure. Et les musiciens, les musiciennes peuvent du coup réserver un studio pour venir répéter avec leur groupe ou même seul. Et le but, c'est aussi de valoriser que on peut avoir envie de faire de la musique sans forcément avoir envie d'en faire son métier. On peut avoir une pratique musicale juste pour le plaisir de faire de la musique, pour le plaisir de faire des concerts comme ça dans les bars, etc. Et puis on peut aussi accompagner des musiciens, des musiciennes qui ont une volonté d'en faire leur métier. Et dans ce cas-là, on va leur proposer un accompagnement un peu différent, qui est plus de l'ordre de la professionnalisation, pour leur donner un peu les billes, pour comprendre un peu comment fonctionne l'écosystème de la musique, quels sont les rouages, les statuts, l'administratif aussi, la communication qui gravite autour de ça. Parce que c'est pas le tout d'avoir beaucoup de talent. On en connaît tous des musiciens et des musiciennes bourrés de talent. Mais après, il y a aussi un coup de chance et puis un coup de réseau, d'opportunités professionnelles, comme dans tout métier. Des fois, il suffit d'être au bon endroit au bon moment. Et puis aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. On croit que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui se réveille un matin et puis qui est talentueux et qui, du coup, va forcément réussir. Mais en fait, c'est énormément de travail. Et puis, ça pose la question aussi de qu'est-ce que ça veut dire réussir. C'est-à-dire, est-ce que réussir, ça veut dire forcément remplir le Stade de France? Est-ce que faire sa carrière musicale, ça veut forcément dire ne vivre que de ça? Enfin, voilà, il y a plein, plein de questions. Et nous, on essaye aussi de déconstruire ça, notamment chez les jeunes gens, pour montrer qu'il y a plein de façons d'avoir une pratique artistique et que ce n'est pas forcément seulement être connu, comme on dit. Parce que souvent, c'est un peu le truc qui revient. Comment on fait pour être connu? Et qu'est-ce que ça veut dire être connu, quoi? Voilà. Après, la programmation, elle se décline sur plein d'aspects. Comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup de hors les murs, on va faire des concerts dans d'autres lieux qui ne sont pas notre salle de concert, dans des espaces patrimoniaux, même des espaces de convivialité, des bars. On fait des partenariats aussi dans des établissements de santé, des établissements sociaux. Le but, c'est d'aller aussi là où la musique est peut-être un petit peu moins présente, ou en tout cas la musique live est un petit peu moins présente, et de montrer que le goût du concert et le plaisir d'aller voir des concerts et de pratiquer la musique, que ce soit en l'écoutant ou en la pratiquant sur la scène, c'est aussi quelque chose qui est un, un vecteur d'émancipation, de lien entre les gens, d'épanouissement personnel. Ça peut être aussi un prétexte pour parler de plein d'autres choses et que c'est pas forcément réservé à une partie de la population, que la musique, ça peut aussi être juste une manière, une excuse pour se retrouver ensemble et passer du bon temps.